et sur la route dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Je m'enfuis, c'est ma vie. Je m'enfuis, c'est ma vie. Au-delà de toutes les frontières. Marche bon, et tous les vents, et tous les vents. Le jour a posé son sac, de plus en plus loin, de plus en plus loin. De Paris à Istanbul, sur la route, sur la route à l'autre bout. Bien des déserts sur la route, sur la route, tous les pays du monde. Sur la route de Paris à Istanbul, sur la route à l'autre bout du monde. Sur la route, j'ai traversé des océans. Sur la route, dans tous les pays.